Section première, des passions. Chapitre premier, de l'amour, de la gloire. De toutes les passions dont le cœur humain est susceptible, il n'en est point qui ait un caractère aussi important que l'amour de la gloire. On peut trouver la trace de ces mouvements dans la nature primitive de l'homme, mais ce n'est qu'au milieu de la société que ce sentiment acquiert sa véritable force. Pour mériter le nom de passion, il faut qu'il absorbe toutes les autres affections de l'âme, et ses plaisirs comme ses peines n'appartiennent qu'au développement entier de sa puissance. Après cette sublimité de vertu, qui fait trouver dans sa propre conscience le motif et le but de sa conduite, le plus beau des principes qui puisse mouvoir notre âme est l'amour de la gloire. Je laisse au sens de ce mot sa propre grandeur, en ne le séparant pas de la valeur réelle des actions qu'il doit désigner. En effet, une gloire véritable ne peut être acquise par une célébrité relative. On en appelle toujours à l'univers et à la postérité pour confirmer le don d'une si auguste couronne. Elle ne doit donc rester qu'au génie ou à la vertu. C'est en méditant sur l'ambition que je parlerai de tous les succès éphémères qui peuvent imiter ou rappeler la gloire. Mais c'est d'elle-même, c'est-à-dire de ce qui est vraiment grand et juste, que je veux d'abord m'occuper. Et pour juger son influence sur le bonheur, je ne craindrai point de la faire paraître dans toute la séduction de son éclat. Le digne et sincère amant de la gloire propose un beau traité au genre humain. Il lui dit « Je consacrerai mes talents à vous servir ». Ma passion dominante m'excitera sans cesse à faire jouir un plus grand nombre d'hommes des résultats heureux de mes efforts. Le pays, le peuple, qui m'est inconnu, aura des droits aux fruits de mes veilles. Tout ce qui pense est en relation avec moi, et dégagé de la puissance environnante des sentiments individuels, c'est à l'étendue seule de mes bienfaits que je mesurerai mon bonheur. Pour prix de ce dévouement, je ne vous demande que de le célébrer. Chargez la renommée d'acquitter votre reconnaissance. La vertu, j'en conviens, c'est jouir d'elle-même. Moi, j'ai besoin de vous pour obtenir le prix qui m'est nécessaire, pour que la gloire de mon nom soit unie au mérite de mes actions. Quelle franchise, quelle simplicité dans ce contrat! Comment se peut-il que les nations n'y soient jamais restées fidèles, et que le génie seul en ait accompli les conditions? C'est sans doute une jouissance enivrante que de remplir l'univers de son nom, d'exister tellement au-delà de soi qu'il soit possible de se faire illusion, et sur l'espace et sur la durée de la vie, et de se croire quelques-uns des attributs métaphysiques de l'infini. L'âme se remplit d'un orgueilleux plaisir par le sentiment habituel que toutes les pensées d'un grand nombre d'hommes sont dirigées sur vous, que vous existez en présence de leur espoir, que chaque méditation de votre esprit peut influer sur beaucoup de destinées, que de grands événements se développent au-dedans de soi, et commandent, au nom du peuple, qui compte sur vos lumières, la plus vive attention à vos propres pensées. Les acclamations de la foule remuent l'âme, et par les réflexions qu'elles font naître, et par les commotions qu'elles excitent, toutes ces formes animées, enfin sous lesquelles la gloire se présente, doivent transporter la jeunesse d'espérance et l'enflammer d'émulation. Les routes qui conduisent à un si grand but sont remplies de charme. Les occupations que commande l'ardeur d'y parvenir sont elles-mêmes une jouissance. Et dans la carrière des succès, ce qu'il y a souvent de plus heureux, c'est la suite d'intérêts qui les précède et s'empare activement de la vie. La gloire des écrits ou celle des actions, est soumise à des combinaisons différentes. La première, empruntant quelque chose des plaisirs solitaires, peut participer à leurs bienfaits. Mais ce n'est pas elle qui rend sensible tous les signes de cette grande passion. Ce n'est pas ce génie dominateur qui, dans un instant, sème, recueille et se couronne, dont l'éloquence entraînante ou le courage vainqueur décide instantanément du sort des siècles et des empires. Ce n'est pas cette émotion toute puissante dans ses effets qui commande en inspirant une volonté pareille et saisit dans le présent toutes les jouissances de l'avenir. Le génie des actions est dispensé d'attendre la tardive justice que le temps traîne à sa suite. Il fait marcher sa gloire en avant, comme la colonne enflammée, qui jadis éclairait la marche des Israélites. La célébrité qu'on peut acquérir par les écrits est rarement contemporaine. Mais alors même qu'on obtient cet heureux avantage, comme il n'y a rien d'instantané dans ses effets, d'ardent dans son éclat, une telle carrière ne peut, comme la gloire active, donner le sentiment complet de sa force physique et morale, assurer l'exercice de toutes ses facultés, enivrer enfin par la certitude de la puissance de son être. C'est donc au plus haut point de bonheur que l'amour de la gloire puisse donner, qu'il faut s'attacher pour en mieux juger les obstacles et les malheurs. La première des difficultés, dans tous les gouvernements où les distinctions héréditaires sont établies, c'est la réunion des circonstances qui donnent de l'éclat à la vie. Les efforts que l'on fait pour sortir d'une situation obscure, pour jouer un rôle sans y être appelé, déplaisent à la plupart des hommes. Ceux que leur destinée approche des premières places croient voir une preuve de mépris pour eux, dans l'espérance qu'on conçoit de franchir l'espace qui en sépare et de se mettre par ses talents au niveau de leur destinée. Les individus de la même classe que soi, qui se sont résignés à n'en pas sortir, attribuant bien plutôt cette résolution à leur sagesse qu'à leur médiocrité, appellent folie une conduite différente, et sans juger la diversité des talents, se croient faits pour les mêmes circonstances. Dans les monarchies aristocratiquement constituées, la multitude se plaît quelquefois par un esprit dominateur à relever celui que le hasard a délaissé. Mais ce même esprit ne lui permet pas d'abandonner ses droits sur l'existence qu'elle a créée. Le peuple regarde cette existence comme l'œuvre de ses mains. Et si le sort, la superstition, la magie, une puissance, enfin indépendante des hommes, n'entre pas dans la destinée de celui qui, dans un état monarchique, doit son élévation à l'opinion du peuple, il ne conservera pas longtemps une gloire que les suffrages seuls récompensent et créent, qui puise à la même source son existence et son éclat. Le peuple ne soutiendra pas son naufrage et ne se prosternera pas devant une force dont il se sent le principal appui. Ceux qui, sous un tel ordre de choses, sont nés dans la classe privilégiée ont à quelques égards beaucoup de données utiles. Mais d'abord la chance des talents se resserre, et à proportion du nombre, et plus encore par l'espèce de négligence qu'inspire de certains avantages, mais quand le génie élève celui que les rangs de la monarchie avaient déjà séparé du reste de ses concitoyens, indépendamment des obstacles communs à tous, il en est qui sont personnels à cette situation, des rivaux en plus petit nombre, des rivaux qui se croient vos égaux à plusieurs égards, se pressent davantage autour de vous, et lorsqu'on veut les écarter, rien n'est plus difficile que de savoir jusqu'à quel point il faut se livrer à la popularité, en jouissant de distinctions impopulaires. Il est presque impossible de connaître toujours avec certitude le degré d'empressement qu'il faut montrer à l'opinion générale. Certaine de sa toute-puissance, elle en a la pudeur, et veut du respect sans flatterie. La reconnaissance lui plaît, mais elle se dégoûte de la servitude, et rassasiée de souveraineté, elle aime le caractère indépendant et fier, qui la fait douter un moment de son autorité pour lui en renouveler la jouissance. Ces difficultés générales redoublent pour le noble, qui, dans une monarchie, veut obtenir une gloire véritable. S'il dédaigne la popularité, il est haï. Un plébéien dans un état démocratique peut obtenir l'admiration en bravant la popularité. Mais si un noble adopte une telle conduite dans un état monarchique, au lieu de se donner l'éclat du courage, il ne ferait croire qu'à son orgueil. Et si cependant, pour éviter ce blâme, il recherche la popularité, il est sans cesse près du soupçon ou du ridicule. Les hommes ne veulent pas qu'on renonce totalement à ses intérêts personnels, et ce qui est, à un certain point, contre leur nature, est déjoué par eux. De tous ces avantages, il n'y a que la vie qu'on puisse sacrifier avec éclat. L'abandon des autres, quoique bien plus rare et plus estimable, est représenté comme une sorte de duperie. Et quoique ce soit le plus haut degré du dévouement, dès qu'il est nommé duperie, il n'excite plus l'enthousiasme de ceux-mêmes qui sont l'objet du sacrifice. Les nobles donc, placés entre la nation et le monarque, entre leur existence politique et l'intérêt général, obtiennent difficilement de la gloire ailleurs que dans les armées. La plupart de ces considérations ne peuvent s'appliquer au succès militaire. La guerre ne laisse à l'homme de sa nature que ses facultés physiques. Pendant que cet état dure, il se soumet à la valeur, à l'audace, au talent qui fait vaincre, comme les corps les plus faibles suivent l'impulsion des plus forts. L'être moral n'est de rien dans la bataille. Et voilà pourquoi les soldats ont plus de constance dans leur attachement pour leurs généraux que les citoyens dans leur reconnaissance pour leurs administrateurs. Dans les républiques, si elles sont constituées sur la seule base de l'aristocratie, tous les membres d'une même classe sont un obstacle à la gloire de chacun d'eux. Cet esprit de modération, qu'avec tant de raisons Montesquieu a désigné comme le principe des républiques aristocratiques, cet esprit de modération ne s'accorde pas avec les élans du génie. Un grand homme, s'il voulait se montrer tel, précipiterait la marche égale et soutenue de ses gouvernements. Et comme l'utilité est le principe de l'admiration, dans un état où les grands talents ne peuvent s'exercer d'une manière avantageuse à tous, ils ne se développent pas ou sont étouffés, ou sont contenus dans une certaine limite qui ne leur permet pas d'atteindre à la célébrité. On ne sait pas au dehors un nom propre du gouvernement de Venise, du gouvernement sage et paternel de la République de Berne. Un même esprit dirige depuis plusieurs siècles des individus différents. Et si un homme lui donnait son impulsion particulière, il naîtrait des chocs dans une organisation dont l'unité fait tout à la fois le repos et la force. Pour les républiques populaires, il faut distinguer deux époques tout à fait différentes, celle qui a précédé l'imprimerie et celle qui est contemporaine du plus grand développement possible de la liberté de la presse. Celle qui a précédé l'imprimerie devait être favorable à l'ascendant d'un homme sur les autres hommes, les lumières n'étant point disséminées. Celui qui avait reçu des talents supérieurs, une raison forte, avait de grands moyens d'agir sur la multitude. Le secret des causes n'était pas connu. L'analyse n'avait pas changé en science positive la magie de tous les effets. Enfin, l'on pouvait être étonné, par conséquent entraîné, et des hommes croyaient qu'un d'entre eux était nécessaire à tous. De là les grands dangers que courait la liberté. De là les factions toujours renaissantes, car les guerres d'opinion finissent avec les événements qui les décident, avec les discussions qui les éclairent. Mais la puissance des hommes supérieurs se renouvelle avec chaque génération et déchire ou asservit la nation qui se livre sans mesure à cet enthousiasme. Mais lorsque la liberté de la presse et ce qui est plus encore la multiplicité des journaux rend public chaque jour les pensées de la veille, il est presque impossible qu'il existe dans un tel pays ce qu'on appelle de la gloire. Il y a de l'estime, parce que l'estime ne détruit pas l'égalité, et que celui qui l'accorde juge au lieu de s'abandonner. Mais l'enthousiasme pour les hommes en est banni. Il y a dans tous les caractères des défauts, qui jadis étaient découverts, ou par le flambeau de l'histoire, ou par un très petit nombre de philosophes contemporains, que le mouvement général n'avait point énivré. Aujourd'hui, celui qui veut se distinguer est en guerre avec l'amour-propre de tous. On le menace du niveau à chaque pas qu'il l'élève, et la masse des hommes éclairés prend une sorte d'orgueil actif, destructeur des succès individuels. Si l'on veut examiner la cause du grand ascendant, que dans Athènes, qu'à Rome, des génies supérieurs ont obtenu, de l'empire presque aveugle que dans les temps anciens ils ont exercé sur la multitude, on verra que l'opinion n'a jamais été fixée par l'opinion même, que c'est à quelque pouvoir différent d'elle, à l'appui de quelque superstition, que sa constance a été due. Tantôt ce sont des rois qui, jusqu'à la fin de leur vie, ont conservé la gloire qu'ils avaient obtenue. Mais les peuples croyaient alors que la royauté avait une origine céleste. Tantôt on voit Numa inventer une fable pour faire accepter des lois que la sagesse lui dictait, se fiant plus à la crédulité qu'à l'évidence. Les meilleurs généraux romains, quand ils voulaient donner une bataille, déclaraient que l'examen du vol des oiseaux les forçait à la livrer. C'est ainsi que les hommes habiles de l'Antiquité ont caché le conseil de leur génie, sous l'apparence d'une superstition, évitant ce qui peut avoir des juges, quoique certains d'avoir raison. Enfin, chaque découverte des sciences, en enrichissant la masse, diminue l'empire individuel de l'homme. Le genre humain hérite du génie, et les véritables grands hommes sont ceux qui ont rendu leur pareil moins nécessaire aux générations suivantes. Plus on laisse aller sa pensée dans la carrière future de la perfectibilité possible, plus on y voit les avantages de l'esprit dépassé par les connaissances positives et le mobile de la vertu plus efficace que la passion de la gloire. On ne trouvera peut-être pas que ce siècle donne encore l'idée d'aucun progrès en ce genre. Mais il faut dans les faits actuels voir la cause future pour juger un événement tout entier. Celui qui l'aperçoit dans les mines ou les métaux se prépare que le feu dévorant qui semble tout consumer, ne connaît point la marche de la nature et ne sait se peindre l'avenir qu'en multipliant le présent. Mais de quelque manière qu'on considère ces réflexions, je reviens aux considérations générales qui s'appliquent à tous les pays et à tous les temps sur les obstacles et les malheurs attachés à la passion de la gloire. Quand les difficultés des premiers pas sont vaincues, ils se forment à l'instant deux parties sur une même réputation, non parce qu'il y a deux manières de la juger, mais parce que l'ambition parie pour ou contre. Celui qui veut être l'adversaire des grands succès reste passif, tandis que dure leur éclat, et c'est pendant ce temps, au contraire, que les amis ne cessent d'agir en votre faveur. Ils arrivent déjà fatigués à l'époque du malheur, lorsqu'il suffit au public du mobile seul de la curiosité pour se lasser des mêmes éloges. Les ennemis paraissent avec des armes toutes nouvelles, tandis que les amis ont émoussé les leurs, en les faisant inutilement briller autour du char de triomphe. On se demande pourquoi l'amitié a moins de persistance que la haine. C'est qu'il y a plusieurs manières de renoncer à l'une, et que pour l'autre le danger et la honte sont partout ailleurs que dans le succès. Les amis peuvent si aisément attribuer à la bonté de leur âme l'exagération de leur enthousiasme, à l'oubli qu'on a fait de leurs conseils, les derniers revers qu'on a éprouvés. Il y a tant de manières de se louer en abandonnant son ami, que les plus légères difficultés décident à prendre ce parti. Mais la haine, dès ses premiers pas, engagée sans retour, se livre à toutes les ressources des situations désespérées, de ces situations dont les nations, comme les individus, échappent presque toujours. Parce que l'homme faible même ne voit alors de secours possible que dans l'exercice du courage. En étudiant le petit nombre d'exceptions à l'inconstance de la faveur publique, on est étonné de voir que c'est à des circonstances et jamais au talent seul qu'on doit les rapporter. Un danger présent a pu contraindre le peuple à retarder son injustice. Une mort prématurée en a quelquefois précédé le moment. Mais la réunion des observations qui font le code de l'expérience, y prouve que la vie si courte des hommes est encore d'une plus longue durée que les jugements et les affections de leurs contemporains. Le grand homme qui arrive à la vieillesse doit parcourir plusieurs époques d'opinions diverses ou contraires. Ces oscillations cessent avec les passions qui les produisent, mais on vit au milieu d'elles, et leur choc, qui ne peut rien sur le jugement de la postérité, détruit le bonheur présent qui est exposé de tous les coups. Les événements du hasard, ceux qu'aucune des puissances de la pensée ne peuvent soumettre, sont cependant placés, par la voie publique, sur la responsabilité du génie. L'admiration est une sorte de fanatisme qui veut des miracles. Elle ne consent à accorder à un homme une place au-dessus de tous les autres, à renoncer à l'usage de ses propres lumières, pour le croire et lui obéir, qu'en lui supposant quelque chose de surnaturel, qui ne peut se comparer aux facultés humaines. Il faudrait, pour se défendre d'une telle erreur, être modeste et juste, reconnaître à la fois les bornes du génie et sa supériorité sur nous. Mais dès qu'il devient nécessaire de raisonner sur les défaites, de les expliquer par des obstacles, de les excuser par des malheurs, c'en est fait de l'enthousiasme. Il a, comme l'imagination, besoin d'être frappé par les objets extérieurs. Et la pompe du génie, c'est le succès. Le public se plaît à donner à celui qui possède, et comme ce sultan des Arabes, qui s'éloignait d'un ami poursuivi par l'infortune, parce qu'il craignait la contagion de la fatalité, les revers éloignent les ambitions, les faibles, les indifférents, tous ceux enfin qui trouvent, avec quelque raison, que l'éclat de la gloire doit frapper involontairement, que c'est à elle à commander le tribut qu'elle demande, que la gloire se compose des dons de la nature et du hasard, et que personne n'ayant le besoin d'admirer, celui qui veut ce sentiment ne l'obtient point de la volonté, mais de la surprise et le droit au résultat du talent, bien plus qu'à la propre valeur de ce talent même. Si les revers de la fortune désenchantent l'enthousiasme, que sera-ce s'il s'y mêle des torts, qui cependant se trouvent souvent réunis aux qualités les plus éminentes? Quel vaste champ pour les découvertes des esprits médiocres! Comme ils sont sûrs d'avoir prévu ce qu'ils comprennent encore à peine! Comme le parti qu'ils auraient pris eût été meilleur! Que de lumière ils puisent dans l'événement! Que de retours satisfaisants dans la critique d'un autre! Comme personne ne s'occupe d'eux, personne ne songe à les attaquer. Eh bien, ils prennent ce silence pour le garant de leur supériorité. Parce qu'il y a une bataille perdue, ils pensent qu'ils l'ont gagnée. Et les revers d'un grand homme se changent en palme pour les sots. Et quoi? L'opinion se composera-t-elle de leur suffrage? Oui, la gloire contemporaine leur est soumise, car c'est l'enthousiasme de la multitude qui la caractérise. Le mérite réel est indépendant de tout. Mais la réputation acquise par ce mérite n'obtient le nom de gloire qu'au bruit des acclamations de la foule. Si les Romains sont insensibles à l'éloquence de Cicéron, son génie nous reste. Mais où pendant sa vie trouvera-t-il sa gloire? Les géomètres, ne pouvant être jugés que par leurs pairs, obtiennent d'un petit nombre de savants des titres incontestables à l'admiration de leurs contemporains. Mais la gloire des actions doit être populaire. Les soldats jugent leur général, la nation ses administrateurs. Quiconque a besoin du suffrage des autres habite tout à la fois sa vie sous la puissance du calcul et du hasard, de manière que le travail du calcul ne peut lui répondre des chances du hasard, et que les chances du hasard ne peuvent le dispenser du travail de calcul. Mais non, pourrait-on dire. Le jugement de la multitude est impartial, puisqu'aucune passion envieuse et personnelle ne l'inspire. Son impulsion, toujours vraie, doit être juste. Mais par cela même que ses mouvements sont naturels et spontanés, ils appartiennent à l'imagination. Un ridicule détruit à ses yeux l'éclat d'une vertu. Un soupçon peut la dominer par la terreur. Des promesses exagérées l'emportent sur des services prudents. Les plaintes d'un seul l'émeuvent plus fortement que la silencieuse reconnaissance du grand nombre. Enfin, mobile, parce qu'elle est passionnée, passionnée parce que les hommes réunis ne se communiquent qu'à l'aide de cette électricité et ne mettent en commun que leurs sentiments, ce ne sont pas les lumières de chacun, mais l'impulsion générale qui produit un résultat. Et cette impulsion, c'est l'individu le plus exalté qui la donne. Une idée peut se composer des réflexions de plusieurs. Un sentiment sort tout entier de l'âme qui l'éprouve. La multitude qui l'adopte a pour opinion l'injustice d'un homme exercée par l'audace de tous. Par cette audace qui se fonde, et sur la force, et plus encore sur l'impossibilité d'être atteint par aucun genre de responsabilité individuelle, le spectacle de la France a rendu ses observations plus sensibles. Mais dans tous les temps, l'amant de la gloire a été soumis au joug démocratique. C'est de la nation seule qu'il recevait ses pouvoirs. C'est par son élection qu'il obtenait sa couronne. Et quels que fussent ses droits à la portée, quand le peuple retirait ses suffrages au génie, il pouvait protester, mais il ne régnait plus. N'importe, s'écrieront quelques âmes ardentes, n'existât-il qu'une chance de succès contre 1000 probabilités de revers? Il faudrait tenter une carrière dont le but se perd dans les cieux. Et donne à l'homme, après lui, ce que la mémoire des hommes peut conquérir sur le passé. Un jour de gloire est si multiplié par notre propre pensée qu'il peut suffire à toute la vie. Les plus nobles devoirs s'accomplissent en parcourant la route qui conduit à la gloire, et le genre humain serait resté sans bienfaiteurs si cette émulation sublime n'eût pas encouragé leurs efforts. D'abord, je crois que l'amour de l'éclat a rendu moins de service aux hommes que la simple impulsion des vertus obscures ou des recherches persévérantes. Les plus grandes découvertes ont été faites dans la retraite de l'homme savant, et les plus belles actions, inspirées par les mouvements spontanés de l'âme, se rencontrent souvent dans l'histoire d'une vie inconnue. C'est donc seulement dans son rapport avec celui qui l'éprouve qu'il faut considérer la passion de la gloire. Par une sorte d'abstraction métaphysique, on dit souvent que la gloire vaut mieux que le bonheur. Mais cette assertion ne peut s'entendre que par les idées accessoires qu'on y attache. On met alors en opposition les jouissances de la vie privée avec l'éclat d'une grande existence. Mais donner à quelque chose la préférence sur le bonheur serait un contresens moral absolu. L'homme vertueux ne fait de grands sacrifices que pour fuir la peine du remords et s'assurer des récompenses au-dedans de lui. Enfin, la félicité de l'homme lui est plus nécessaire que sa vie, puisqu'il se tue pour échapper à la douleur. S'il est donc vrai que choisir le malheur est un mot qui implique contradiction en lui-même, la passion de la gloire, comme tous les sentiments, doit être jugée par son influence sur le bonheur. Les amants, les ambitions même, peuvent se croire, dans quelques moments, au comble de la félicité. Comme le terme de leurs espérances leur est connu, ils doivent être heureux du moins à l'instant où ils l'atteignent. Mais cette rapide jouissance même ne peut jamais appartenir à l'homme qui prétend à la gloire. Ses limites ne sont fixées par aucun sentiment, ni par aucune circonstance. Alexandre, après la conquête du monde, s'affligeait de ne pouvoir faire parvenir jusqu'aux étoiles l'éclat de son nom. Cette passion ne connaît que l'avenir, ne possède que l'espérance. Et si l'on l'a souvent présentée comme l'une des plus fortes preuves de l'immortalité de l'âme, c'est parce qu'elle semble vouloir régner sur l'infini de l'espace et l'éternité des temps. Si la gloire est un moment stationnaire, elle recule dans l'esprit des hommes et aux yeux même de celui qui s'en voyait l'objet. Sa possession émeut l'âme si fortement, exalte à un tel degré toutes les facultés, qu'un moment de calme dans les objets extérieurs ne sert qu'à diriger sur soi toute l'agitation de sa pensée. Le repos est si loin, le vide est si près que la cessation de l'action est toujours le plus grand malheur à craindre. Comme il n'y a jamais rien de suffisant dans les plaisirs de la gloire, l'âme ne peut être remplie que par leur attente. Ce qu'elle obtient ne sert qu'à la rapprocher de ce qu'elle désire. Et si l'on était parvenu au fait de la grandeur, une circonstance inaperçue, un obscur hommage refusé, deviendrait l'objet de la douleur et de l'envie. Haman, vainqueur des Juifs, était malheureux de n'avoir pu courber l'orgueil de Mardochée. Cette passion conquérante n'estime que ce qui lui résiste. Elle a besoin de l'admiration qu'on lui refuse, comme de la seule qui soit au-dessus de celle qu'on lui accorde. Toute la puissance de l'imagination se développe en elle, parce qu'aucun sentiment du cœur ne la ramène par intervalle à la vérité. Quand elle a atteint un but, ses tourments s'accroissent, son plus grand charme étant l'activité qu'elle assure à chaque moment du jour. L'un de ses prestiges est détruit quand cette activité n'a plus d'aliment. Toutes les passions, sans doute, ont des caractères communs, mais aucune ne laisse après elle autant de douleur que les revers de la gloire. Il n'y a rien d'absolu pour l'homme dans la nature. Il ne juge que par ce qu'il compare. La douleur physique même est soumise à cette loi. Ce qu'il y a de plus violent dans le plaisir ou dans la douleur est donc causé par le contraste. Et quelle opposition plus terrible que la possession ou la perte de la gloire? Celui dont la renommée parcourait le monde entier ne voit autour de lui qu'un vaste oubli. Un amant n'a de larmes à verser que sur les traces de ceux qu'il aime. Tous les pas d'homme retracent à celui qui jadis occupait l'univers, l'ingratitude et l'abandon. La passion de la gloire excite le sentiment et la pensée au-delà de leurs propres forces. Mais loin que le retour à l'état naturel soit une jouissance, c'est une sensation d'abattement et de mort. Les plaisirs de la vie commune ont été usés sans avoir été sentis. On ne peut même les retrouver dans ses souvenirs. Ce n'est point par la raison ou la mélancolie qu'on est ramené vers eux, mais par la nécessité, funeste puissance, qui brise tout ce qu'elle courbe. L'un des caractères de ce long malheur est de finir par s'accuser soi-même. Tant qu'on est encore aux reproches que méritent les autres, l'âme peut sortir d'elle-même. Mais le repentir concentre toutes les pensées, et dans ce genre de douleur, le volcan se referme pour consumer en dedans. Tant d'actions composent la vie d'un homme célèbre, qu'il est impossible qu'il ait assez de force dans la philosophie ou dans l'orgueil, pour ne reprocher aucune faute à son esprit, le passé prenant dans sa pensée la place qu'occupait l'avenir. Son imagination vient se briser contre ce temps immuable et lui fait parcourir en arrière des abîmes aussi vastes que l'étaient en avant les heureux champs de l'espérance. L'homme, jadis comblé de gloire, qui veut abdiquer ses souvenirs et se vouer aux révélations particulières, ne saurait y accoutumer ni lui ni les autres. On ne jouit point par effort des idées simples. Il faut, pour être heureux par elles, un concours de circonstances qui éloigne naturellement tout autre désir. L'homme, accoutumé à compter avec l'histoire, ne peut plus être intéressé par les événements d'une existence commune. On ne retrouve en lui aucun des mouvements qui le caractérisaient. Il ne sent plus la vie, il s'y résigne. On confie longtemps les peines du cœur, parce que leur durée même est honorable, parce qu'elles répondent à trop de souvenirs dans l'âme des autres. Pour que ce soit parler de soi que d'en entretenir. Mais comme la philosophie et la fierté doivent vaincre, ou cacher les regrets causés même par la plus noble ambition, l'homme qui les éprouve ne s'abandonne point à les avouer entièrement. L'attention constante sur soi est un détail de jouissance. Pendant la prospérité, c'est une peine habituelle quand on est retombé dans une situation privée. Enfin, aimer, ce bien dont la nature céleste est seule en disparate avec toute la destinée humaine. Aimer n'est plus un bonheur accordé à celui que la passion de la gloire a dominé longtemps. Ce n'est pas que son âme soit endurcie, mais elle est trop vaste pour être remplie par un seul objet. D'ailleurs, les réflexions que l'on est conduit à faire sur les hommes en général, lorsqu'on entretient avec eux des rapports publics, rendent impossible la sorte d'illusion qu'il faut pour voir un individu à une distance infinie de tous les autres. Loin aussi que de grandes pertes attachent au genre de bien qu'il reste. Elles affranchissent de tout à la fois. On ne supporte que dans une indépendance absolue qui n'établit aucun point de comparaison entre le présent et le passé. Le génie, qui sut adorer et posséder la gloire, repousse tout ce qui voudrait occuper la place de ses regrets mêmes. Il aime mieux mourir que déroger. Enfin, quoique cette passion soit pure dans son origine et noble dans ses efforts, le crime dérange plus qu'elle. L'équilibre de l'âme, elle l'a fait sortir violemment de l'ordre naturel, et rien ne peut jamais l'y ramener. En m'attachant avec une sorte d'austérité à l'examen de tout ce qui doit détourner de l'amour, de la gloire, j'ai eu besoin d'un grand effort de réflexion. L'enthousiasme me distraisait. Tant de noms célèbres s'offraient à ma pensée. Tant d'ombres glorieuses qui semblaient s'offenser de voir braver leur éclat pour pénétrer jusqu'à la source de leur bonheur. C'est de mon père, enfin, c'est de l'homme de ce temps qui a recueilli le plus de gloire et qui en retrouvera le plus dans la justice impartiale des siècles, que je craignais surtout d'approcher, en décrivant toutes les périodes du cours éclatant de la gloire. Mais ce n'est pas à l'homme qui a montré, pour le premier objet de ses affections, une sensibilité aussi rare que son génie. Ce n'est pas à lui que peut convenir aucun des traits dont j'ai composé ce tableau. Et si je m'aidais des souvenirs que je lui dois, ce serait pour montrer combien l'amour de la vertu peut apporter de changements dans la nature et les malheurs de la passion de la gloire. Mais poursuivant le projet que j'ai embrassé, je ne cherche point à détourner l'homme de génie, de répandre ses bienfaits sur le genre humain. Mais je voudrais retrancher des motifs qui l'anime, le besoin des récompenses, de l'opinion. Je voudrais retrancher ce qui est l'essence des passions, l'asservissement à la puissance des autres.